entrer dans les coulisses de la recherche en histoire de l'art, explorer les parcours, les méthodes, les doutes et les passions de celles et ceux qui font vivre la discipline. Bienvenue dans un espace où le savoir se partage. Bienvenue dans les coulisses de la recherche, un podcast présenté par l'association Athéna. Bonjour, c'est Lila, bienvenue dans ce nouvel épisode des coulisses de la recherche. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Alicante Audic, un actuel étudiant en seconde année du master Histoire de l'art et culture matérielle. Bonjour Alicante, bienvenue. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et du sujet sur lequel tu travailles ? Bonjour déjà, merci de m'avoir invité. Mon parcours, moi, un peu classique, hein. J'ai fait un bac L, après j'ai fait une licence d'art plastique à Rennes 2, puis après j'en ai eu marre et je suis arrivé ici, du coup j'ai fait la licence d'histoire de l'art, un peu comme tout le monde dans le master, celle de Nantes à peu près. Et mon sujet de recherche actuellement, c'est l'esthétique en fait visuelle des marins au début du XXe siècle, principalement l'entre-deux-guerres, et comment en fait cette esthétique du marin donc militaire a été reprise par des groupes de personnes homosexuelles pour en fait l'érotiser dans un sens, à travers des illustrations et des photographies. Alors, j'aimerais savoir d'où vient ce sujet. Comment est née cette idée de travailler sur, du coup, le marin plus homosexuel ? Parce que c'est vrai que, du coup, en licence, on n'aborde pas la question de la sexualité, ni les questions de genre, ni même la période d'entre-deux-guerres. Donc, comment t'en es venu à élaborer ce sujet ? C'est venu d'une erreur en soi, parce que de base, c'est pas mon sujet que j'ai commencé en M1. Moi, avec mon directeur, du coup, Thierry Loger, on avait prévu de base un sujet qui portait toujours sur les questions de genre, mais c'était plutôt actuel, on va dire, les années 70, et c'était sur l'enseignement aux beaux-arts, et du coup, comment les questions de genre sont arrivées, en fait, dans l'enseignement, mais aussi dans la pratique des étudiants aux beaux-arts. Et lors de mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un peu anachronique comme question, étant donné que, en fait, vu que c'est le début du militantisme en France à ce moment-là, pour les questions de genre, du coup, ça peut pas, en fait, être à ce moment-là dans les institutions publiques parce que c'est beaucoup trop récent et c'est encore dans le militantisme. Du coup, il faut attendre les années 2000 et là, ça posait un très gros problème au niveau accès de sources. Du coup, j'ai cherché à trouver un nouveau sujet. C'était un peu la panique parce qu'on était en décembre et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? J'avais réussi à trouver un artiste cinéaste qui m'intéressait, qui s'appelait Lionel Soucaz, qui faisait de la vidéo et du cinéma expérimental. Donc, c'était très pornographique. C'était un peu amusant de faire des recherches là-dessus, mais vu que c'était trop cinéma, c'est pas passé. Du coup, vu que je savais que ça pourrait peut-être pas passer, à côté, je faisais des recherches et je trouvais des éléments qui pouvaient plaire un peu plus graphiques, comme des illustrations, petits dessins, je les chopais quand même et pour les présenter quoi lors de mes réunions de recherche. En gros, c'est ce que j'ai fait, je suis tombé sur les dessins d'un artiste qui s'appelle Roland Caillot. C'est un artiste qui n'est pas du tout connu hein, et c'est un petit illustrateur d'illustration clandestine, donc homosexuel. Et en fait, il s'avérait que Roland Caillot avait illustré pour Jean Genet. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit avec mon directeur donc qu'on allait s'intéresser aux illustrateurs de Jean Genet. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur Jean Cocteau, qui a illustré du coup Querelle de Brest, donc un livre sur l'histoire d'un marin homosexuel. Et en fait, j'avoue que la littérature, c'est pas non plus mon kiff. Donc, ce qui fait que faire tout un master sur juste les illustrateurs de Jean Genet, ça m'ennuie un peu. Du coup, je préférais m'arrêter au marin et dire en fait, je vais juste faire le marin et pas Jean Genet. C'est un peu le long CD de pouvoir trouver ce sujet de mémoire, quoi. Mais au moins, on voit toute ta réflexion sur comment on arrive à un sujet de mémoire. Ouais, oui, clairement. Et c'est assez intéressant, je sais que nous, ça nous a beaucoup intéressé comme sujet, parce que du coup, on connaît pas la figure du marin comme une figure ambiguë, et on connaît pas la période de l'entre-deux-guerres. Comment t'as limité ton sujet chronologiquement? Ouais. Pareil, ça se voit avec le directeur en vrai, hein, mais j'avoue que moi, si je pouvais, moi je suis plutôt intéressé par le 21e siècle, d'un point de vue d'art et la fin du 20e. Du coup, si je pouvais, j'adorerais pouvoir étendre aux années 80, aux années 2000, je trouverais ça passionnant. Mais bon, c'est un master, faut vraiment ultra serrer son sujet, sa période, soit son sujet, soit sa période, pour pas non plus se perdre. Et du coup, là, c'était un peu le cas. Et vu que Querelle de Brest, l'édition clandestine, est parue en 1947, et que les autres dessins que j'avais, en fait, de Roland Caillot, que j'ai même pas utilisé pour mon mémoire, mais d'autres artistes, en fait, c'était les années 20, les années 30. Et donc, en fait, ça coulait un peu de source de rester sur ces années-là. Donc, moi, j'ai choisi de faire de 1910 à 1950, parce que j'avais un ouvrage un peu bizarre, qui commençait donc aux années en fait 1912, un truc comme ça. Et du coup, on s'est dit, on fait ça, ça, c'est bien, c'est pas trop large. Et puis, de toute façon, avec les sources que j'avais, je pouvais pas faire plus tôt en vrai. Et tu as aussi, si je me trompe pas, limité ton sujet à la France. Ouais. Est-ce que tu sais si cette construction du marin homosexuel, c'est aussi à l'étranger? Et est-ce que tu aimerais bien développer cet aspect, même plus tard, en dehors de ta recherche, dans le cadre d'articles, etc.? Mais moi, j'avoue que c'est le problème avec mon sujet. Donc, c'est le fait que ce soit posé que sur la France. C'est à la fois un problème et à la fois, c'est bien. C'est un problème parce que, du coup, c'est fait que j'ai très peu d'images. Parce que, déjà, c'est des images clandestines. Par rapport à la France, niveau politique, à ce moment-là, c'est pas top non plus pour l'homosexualité. Du coup, ce qui fait qu'il y a pas mal d'œuvres qui sont détruites, il y a pas mal d'œuvres qui sont censurées, et il n'y a pas vraiment de moyens de diffusion. Alors que, par exemple, quand j'ai vu dans mes recherches, en Allemagne, on peut retrouver le sujet du marin, on a beaucoup de sujets d'homosexualité, et entre l'Allemagne et la Suisse, par exemple, on va aussi avoir des revues. Du coup, c'est super. Le problème, c'est que je parle pas allemand. Et après, je sais qu'il y a aussi des artistes grecs qui ont illustré ça. Enfin, il y a des artistes américains, évidemment. Et puis après, je crois qu'il y a aussi les Italiens. Alors, c'est à la fois, du coup, comme je disais, un problème. Mais c'est bien parce que moi, ça me permet vraiment de me concentrer sur la France et pas de m'éparpiller un peu partout. Parce qu'après, c'est un peu la panique. Enfin, moi, avec mon ancien sujet, je savais pas déjà à quel beaux-arts fallait que je me conscris. Est-ce que je fais tous les beaux-arts de France? Est-ce que j'en choisis? C'était déjà la panique. Donc, en vrai, plein d'autres pays, c'est un peu la panique aussi. Et puis, moi, m'a dit mon directeur, au début, quand je cherchais des sujets de recherche aussi, des fois, ça pouvait être à l'étranger, à chaque fois, la question, c'est est-ce que tu parles cette langue? Parce que ça veut dire que tu vas devoir utiliser des archives, par exemple en allemand, en italien ou en grec. Et en vrai, si je parle pas ces langues-là, c'est vrai que c'est ultra. Voilà. Pour un mémoire, et c'est sur 2 ans, c'est un peu la galère. Pour une thèse, pourquoi pas. Pour des articles, pourquoi pas, parce que dans ce cas-là, on peut prendre le temps de traduire. Pour un mémoire, c'est beaucoup plus embêtant. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire parce que je vois vraiment toutes ces illustrations. Il n'y en a pas non plus énormément. Mais quand je les croise, je me dis, ah, j'aimerais bien, mais je parle pas allemand. Et concrètement, tu t'appuies sur quoi pour étudier tout ça? Parce que tu as parlé un peu des archives, ouais. Mais quelles sont les principales sources sur lesquelles tu t'appuies? Est-ce que tu travailles des affiches, des photographies, des films, de la presse? Parce que c'est un thème assez vaste, comme tu l'as dit, et c'est ce qui te plaît. Mais du coup, sur quoi tu t'appuies le plus? Pour mon M1, du coup, je me suis appuyé un peu sur tout ce que je trouvais. Donc, il n'y a vraiment pas de délimitation. Bon, j'ai pas trouvé de cinéma, mais j'ai énormément d'illustrations de livres, des dessins, juste par-ci, par-là. Donc, c'est beaucoup d'art graphique, hein, principalement. Et puis, évidemment, dans mon mémoire, je parle pas juste... et là, même dans mes recherches actuelles, en fait, je parle pas juste du marin homosexuel. Il faut que j'aborde aussi tous les concepts qu'il va y avoir autour, qui vont être la virilité, mais aussi l'armée, parce que du coup, je parle du marin militaire. Et donc, je vais chercher des images, on va dire, un peu plus dites officielle, du moins public. Et donc là, je vais aller chercher donc des images qui sont issues de la marine, clairement. Donc, ça va être des affiches de propagande, mais ça peut être aussi des illustrations qui sont de la presse, pareil, militaire, ou encore après tout ce qui va être caricature dans la presse, ou cartes postales, beaucoup. Et puis après, c'est vrai que sinon, c'est énormément d'archives policières sur lesquelles moi je travaille, parce qu'il y avait un peu une chasse aux sorcières dans la police. Et aussi, après, ça, c'est des livres d'histoire. Ok. Et est-ce que tu as ou est-ce que tu vas travailler aussi sur du coup comment les images elles étaient perçues par le public ou est-ce que t'as pas trop ça dans ta recherche sur comment étaient vues les images ou est-ce que tu t'appuies vraiment que sur les images en termes de sources iconographiques pures? En fait, c'est difficile. C'est un peu ce qu'on me demande là de faire cette année, de réfléchir à comment étaient perçues mes images. Et c'est vrai que c'est difficile parce que, en fait, comme je dis, c'est des images clandestines. Et du coup, elles circulent que dans un tout petit cercle privé. Donc, c'est vachement difficile de savoir ce qu'en pense le grand public qui n'en a sans doute pas du tout connaissance de l'existence. Donc, moi, j'ai un peu essayé de le faire sur, en fait, pourquoi elles existaient. Et donc, en fait, le regard en fait, que leur créateur leur portait et ce qui les faisait circuler. Donc ça, j'ai un peu essayé de m'y intéresser, mais c'est vrai que oui, c'est assez difficile en fait de voir en fait ce que le public en pense. Du coup, moi, mon angle d'attaque, c'est plutôt parce que du coup, c'est tout un stéréotype d'un homme musclé, ultra viril, tout ça, le marin homosexuel. Donc en fait, je m'attarde plutôt à ce stéréotype-là et comment il est perçu par la société, comment aussi l'armée le met en jeu pour le vendre, comment juste cette image après va créer plein de choses derrière. Et du coup, elle est perçue publiquement. Elle, je peux vraiment m'y intéresser et me dire, par exemple. Juste le simple fait de faire une affiche qui va dire, qui va montrer en fait des hommes musclés, enfin, c'est dans l'environnement en fait du jeune, on va dire. Et donc, quand il va voir ça, évidemment, ça va peut-être lui donner aussi envie du coup de se mettre au sport et en fait rentrer dans ce cliché. Là, par exemple, pour cette année, je fais mes recherches un peu plus là sur les fédérations sportives qui formaient la jeunesse au brevet militaire. Bah, pareil, c'est des trucs genre ultra jeunes dans les associations. Genre vraiment, ils viennent chercher les jeunes et en gros, ils leur disent, bah, le but pour être sain, pour être en forme, bah, c'est d'être musclé, c'est de faire de la gymnastique. Et à côté, il y a tout plein d'images. Ça montre aussi, du coup, comment ce stéréotype est perçu. Moi, ça me permet d'essayer de voir après comment, de façon homosexuelle et même juste érotique en général, sans que ce soit homosexuel, ça peut être perçu ou du moins recherché par certaines personnes. Et du coup, parmi toutes ces représentations que tu as vues, il y en a sans doute qui t'ont particulièrement marqué. Et donc, je vais te poser la question typique de ce Ouais. podcast. Quelle image représente pour toi ton mémoire? Pourquoi celle-là? Est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu? En fait, il y en a deux. J'hésitais grave, mais en fait, il y en a une, je l'aime trop. Genre, je l'ai vue, je suis tombée dessus, j'ai fait, je l'adore, elle est trop belle. C'est une photographie, on pourrait pas vraiment la dater dans un catalogue d'expo d'une galerie. Et en fait, c'est vraiment une petite photographie clandestine en fait, d'un jeune homme, du moins habillé en marin, mais que du haut, avec le petit bonnet marin avec le pompon, ce qui nous permet de savoir que c'est la marine française, et qui du coup est de dos et qui est en train de lire un livre donc sur une table. Et nous, en fait, bah, on a surtout en fait ses fesses qui, elles, sont dénudées derrière. En fait, je trouve la photo est trop belle, elle est bien composée, et elle est rigolote en même temps, parce que le fait de lire comme ça, cul nu, enfin, c'est, je trouve ça très amusant. Et du coup, j'aime beaucoup cette photo, que je trouve qui résume assez bien mon mémoire. Mais après, bah, sinon, ça va être les illustrations de Querelle de Brest, hein, principalement, celles qui forment le plus gros de mon corpus érotique. De toute façon. Et en fait, c'est elles aussi qui enfin, définissent plus la vision, comment l'image que veulent créer les artistes homosexuels qui s'intéressent aux marins. Quoi, ça va être vraiment cet homme ultra musclé avec un énorme pénis. Et... Enfin voilà, c'est typique. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ces deux œuvres-là qui présentent bien mon mémoire de première année pour l'instant. Si une personne qui nous écoute veut en apprendre plus sur le sujet, par où tu lui conseillerais de commencer? Parce que du coup, tu as pas mal parlé de Querelle de Brest, Ouais. mais est-ce que tu as d'autres œuvres à conseiller pour voir un petit peu de quoi tu parles et la figure du marin? Ouais. Bah déjà, Querelle de Brest, évidemment, après, c'est que les illustrations, elles ne sont pas publiées aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il faut se déplacer, aller à la bibliothèque Kandinsky, ce n'est pas très pratique. Vous pouvez lire le roman, qui est très sympa. Après, sinon, si vous n'avez pas envie de le lire, il y a un film qui s'appelle Querelle, qui a été réalisé par le réalisateur allemand, donc Werner Fassbinder, en 1982, qui lui est disponible en DVD, je trouve assez facilement. Et puis en fait, sinon, ça va surtout être des livres donc d'histoire. Moi, je conseille beaucoup celle qui m'a le plus aidé quand je, enfin, dans mes recherches, dans mes livres, je ne l'ai pas parlé, je veux dire, mais dans mes recherches, c'est l'historienne Florence Tamagne qui fait pas mal d'écrits, notamment donc un qui s'appelle L'histoire de l'homosexualité, qui est sorti dans les années 2000, qui est très complet, qui parle brièvement de l'expérience du soldat et de l'homosexualité. Et donc en fait déjà je pourrais comprendre tout le contexte sur l'homosexualité, toute l'époque, parce que c'est pas un contexte propre à la France, c'est propre à toute l'Europe. Je trouve c'est super intéressant, super bien, et il y a plein de notes de bas de page qui après si on a envie de vraiment faire des recherches, bah, qui nous permettent d'aller voir un peu plus loin, soit des livres, soit des archives. Et pareil, elle a fait un autre livre, c'est une enquête criminelle, mais c'est enfin c'est pas du tout un roman, c'est vraiment une recherche qui est sur un crime qui s'est passé à l'époque, s'appelle Le crime du palace, qui est sorti en 2017. Et du coup, elle revient en fait sur un. Je crois que c'est un teneur de boîte de nuit. Je l'ai pas lu en entier, mais je crois que c'est un teneur un peu de, enfin, de boîte de nuit. Enfin, il n'y a pas de boîte de nuit à l'époque, mais on s'entend. Qui s'est fait assassiner. Du coup, il est homosexuel et on dit que l'assassin, il serait habillé en marin. Et du coup, bah pareil, elle souligne vraiment cette question aussi de fantasme du marin. Pourquoi on se déguise? Du coup, je trouve ça c'était très intéressant. Et puis sinon, il y a un catalogue d'expo, Les marins font la mode, qui est sorti en 2010, 2009 plutôt, du musée de la marine, et qui là en fait aborde vraiment plusieurs thèmes autour du marin. Et ça, c'est juste le marin, son esthétique nous intéresse. C'est vraiment une expo ultra visuelle. Je veux dire, le cœur de l'expo, c'est Jean-Paul Gaultier. Bon, je trouve, je conseille ces trois ouvrages. Bah merci beaucoup, parce que c'est vrai que en dehors de notre connaissance en recherche sur le sujet, on a surtout l'image du coup de Jean-Paul Gaultier et du marin, mais on n'a pas d'autres Ouais. images ou d'autres exemples. Et du coup, merci pour ces ouvrages. Et au-delà de la figure du marin, pourquoi selon toi c'est important d'évoquer ce sujet? Pourquoi tu travailles dessus? Est-ce que pour toi ça a des enjeux contemporains aujourd'hui et pourquoi c'est important de mettre ce sujet en lumière? Pour moi, ça a vraiment des enjeux contemporains. Bah, déjà, les questions de genre, simplement, c'est ultra récent dans la recherche, en histoire, et encore plus en histoire de l'art. Donc, il y a vraiment pas beaucoup d'écrits. Donc, bah, c'est important, en fait, d'essayer de refaire une histoire aussi avec les acteurs du queer, homosexuels, et de les remettre, donc, un peu en figure. Donc, déjà, pour moi, il y a déjà ce travail-là qui est super important et qui me tient un peu à cœur. J'y vois un certain militantisme dans une sorte. je trouve que la recherche peut permettre en mettant en avant en fait des voix qui ont pu être cachées, oubliées. Et du coup, moi, c'est ce que j'aime surtout dans le travail des archives que je fais, que ce sont des archives policières, où j'essaie vraiment de ressortir un peu à la fois l'oppression en fait qu'ont pu subir les marins principalement par rapport à l'armée, parce que du coup ils étaient dans un sens un peu vraiment interdits d'être homosexuels et pouvaient vraiment être déchus parfois de leur titre si c'était répété ou même aller au bagne. Et donc rien que en fait révéler ce passé, cette histoire qui a eu lieu, je trouve ça ultra important. Et ouais, globalement c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur ce sujet. Après, le reste, c'est que de l'humour et du fun, quoi. C'est pour rigoler et pouvoir écrire des gros mots dans mon mémoire. C'est honnête, au moins. Et c'est bien parce que ça montre aussi qu'il y a toute une partie qui peut être amusante dans la recherche et que c'est carrément pas forcément sur des sujets très difficiles, même si je pense que ça a quand même une partie difficile comme sujet sur, du coup, les enquêtes policières, etc. Mmh. Mais ça permet aussi un peu de légèreté. Et vu que tu es notre première invitée qui est encore en pleine recherche, quels sont les aspects qui te passionnent le plus, du coup, à part ces aspects que tu nous as parlé des archives? Est-ce que pendant cette première année, tu as eu quelques aspects qui t'ont passionné à travailler dessus dans le cadre de ton mémoire? Et qu'est-ce que tu aimerais développer plus durant ta deuxième année? C'est vrai que c'est une question, ça. Je sais pas ce qui m'a... En fait, la recherche, c'est intéressant, dans le sens où c'est notre travail et on en fait ce qu'on veut, donc avec quand même les directives de nos directeurs. Mais moi, ce que je pense que j'ai le plus aimé, c'est peut-être pas forcément une façon de chercher particulière, mais du coup, c'est plus de se rendre compte que en fait, on peut dire ce qu'on veut et ce qu'on a envie dans le mémoire. Et que, en fait, ça, c'est bien, parce que c'est vrai qu'avec la licence, on nous cadre, vraiment, et on peut pas forcément dire ce qu'on veut, prendre des initiatives. Donc, des fois, on peut, surtout quand on avance un peu plus vers la L3, par exemple. Mais, ça reste la licence, donc ça reste très cadré. Et là, avec le mémoire, c'est notre sujet, c'est notre recherche. On apprend des choses, mais on en fait apprendre à nos directeurs, parfois. Et, du coup, c'est ça qui est intéressant pour moi et bien, c'est, du coup, le fait que on se rend compte aussi un peu de la légitimité qu'on peut avoir, en fait, au fil du temps, et que c'est nos recherches et que ça nous appartient. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien, et qu'on a vraiment un sujet qu'on aime bien, parce que c'est ce qui est important avant tout. C'est cool, ça fait du bien. Et ta deuxième question, c'était quels sont les axes que tu aimerais développer durant ta deuxième année? Ouais, mais là, c'est un peu le flou, franchement. J'essaie, en fait, je voulais trouver des nouvelles images, mais c'était un peu la galère, donc je pense que je vais pas en trouver, et je vais juste parler de l'absence d'images, c'est un fait, quoi. Et puis, sinon, en soi, on en parlait avec mon directeur, mais c'est vrai que j'aimerais bien développer quand même la question du nationalisme, qui est un peu plus présente, en fait, qui est très présente déjà dans mon premier sujet, mais qui est aussi présente dans l'armée, et en fait, que cet idéal, en fait, de corps qu'on va appuyer aux marins, c'est aussi un idéal ultra-national, ultra aussi plein d'eugénisme, donc il y a plein de biais racistes aussi, enfin voilà, il y a plein de biais problématiques sur ça, et du coup c'est intéressant de voir ça, d'essayer de développer ça et de voir en fait que tout ce qu'on va définir à cette époque-là un peu comme le corps parfait, l'homme, le modèle de l'homme viril suprême, c'est ultra plein d'homoérotisme, enfin c'est ultra gay, quoi, en fait. Et du coup c'est ça en fait que j'ai vraiment le plus envie de développer, de rendre mon mémoire un peu plus politique, pas non plus de faire un énorme truc posé, mais vraiment le rendre un peu plus politique pour moi. C'est ça qui m'intéresse, je pense, le plus, et que j'aimerais le plus développer. Après, voir si j'y arrive. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème maintenant. Et pour un peu comme dernière question, je voulais savoir comment ton regard il a évolué sur ce sujet. Est-ce que tu connaissais avant la figure du marin plus homosexuel, etc., comme tu l'as expliqué, ou est-ce que vraiment ton regard il a tout découvert? Est-ce que tu as tout découvert pendant cette première année de recherche? Est-ce que, du coup, tu avais un peu des a priori sur la figure du marin que tu as déconstruit au fil de ta recherche? Mais ça c'est grave une bonne question, parce que en vrai j'avais jamais pensé, tu vois, au marin. Enfin, j'avais déjà pensé à la mer, parce que moi j'ai grandi au bord de mer, du coup c'est un truc qui m'était cher, et je m'étais dit, quand mon premier sujet il s'est cassé, j'avais dit j'ai envie de faire sur les plages, un truc comme ça, un truc à rien à voir, et sans faire exprès du coup je tombais sur le marin. J'avais des a priori comme tout le monde, enfin je veux dire, quand je dis mon sujet, tout le monde dit ah oui, Jean-Paul Gaultier, enfin voilà, c'est les a priori que j'avais aussi. J'ai vraiment découvert toutes les images, toutes les archives. Voilà, pour moi, c'était évident qu'il y avait de l'homosexualité dans la marine, dans le sens où, déjà, c'est une vieille rumeur aussi qui court super loin. Mais en dehors de ça, Je veux dire, il y a juste toujours eu de l'homosexualité partout. Du coup, on ne peut pas dire non, il n'y en a jamais eu dans l'armée. Enfin, ça n'a pas de sens, il y aura toujours au moins une exception. Et du coup, ça, c'était peut-être le truc un peu, l'a priori que j'avais, c'était que oui, bah, à mes yeux, j'étais oui, je vais trouver des trucs homosexuels. Enfin, je pense c'est sûr. Et ouais, j'ai réussi à en trouver. Donc, c'était un peu les a priori, mais c'est vrai que j'ai un peu tout découvert. Et c'était à chaque fois une bonne surprise, même si des fois, je me sentais un peu honteux dans les bibliothèques avec mes illustrations. J'avais peur que les gens passent derrière moi. Mais en vrai, ouais, c'était vraiment, vraiment une découverte totale, qui était du coup très amusant à découvrir, parce que, bah ouais, c'est juste de la découverte, donc c'est ça qui est fun, on n'est pas là, ces images-là, je les connais, et voilà, je change pas, quoi, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Comme je disais, je cherche des nouvelles images. Si j'en trouve, bah, je vais les découvrir totalement, et si j'en trouve pas, bah tant pis, mais c'est vraiment que de la full découverte à chaque fois. Ben merci, au moins ça montre que on n'est pas obligé de tout connaître avant Ouais. d'entrer en recherche et qu'on peut découvrir comme ça un sujet Très clairement. et sans forcément avoir besoin de connaître avant, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut savoir sur quoi on va chercher avant d'aller en recherche, même Non. si il faut savoir un petit peu Avoir une idée. des idées, mais au moins on sait qu'on peut découvrir un Ouais, sujet c'est en ça. recherche et le faire. En soi, je pense qu'on découvre toujours quelque chose parce qu'on a toujours des a priori en mode ouais, moi je vais faire sur ça et je vais trouver ça. Enfin, bah, des fois, on est surpris. Bah merci beaucoup d'avoir partagé ton travail. C'est un sujet très intéressant qui surtout montre plusieurs questions de genre, etc., avec beaucoup d'enjeux contemporains. Et ça montre la façon dont les images participent à construire un imaginaire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour la fin de cet épisode? Bah, déjà, merci de m'avoir reçu. Ça m'a fait très plaisir d'être invité, de voir que mes recherches intéressent. Et puis, bah, j'espère que ça intéressera les auditeurs. Merci encore Alicante et je Pas vous de dis à souci. très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des coulisses de la recherche. Si le sujet vous a intéressé, gardez un œil sur les conférences de cette année ou de celles à venir organisées par l'association Athéna. C'est peut-être l'occasion de découvrir d'autres travaux passionnants et de plonger plus loin dans le monde de la recherche en histoire de l'art. Toutes les informations sont disponibles sur notre Instagram ou sur notre site www.athenasso.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.